Le 29 juillet 2009, we went traveling and we reached South Africa. Nous voyagions et nous sommes arrivés en Afrique du Sud. Because we cannot afford to get the airport hotel. Parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'aller à l'hôtel de l'aéroport. And because to save that money. Parce que je préfère garder cet argent for the next flight ticket to the next country. Pour le prochain billet d'avion, pour le prochain pays. That I may announce to them that the Messiah is coming. Pour que je puisse leur annoncer que le Messie vient. And that they may prepare and enter. Pour qu'ils puissent se préparer et entrer. So, I was sleeping down on the floor of the airport for 24 hours. Alors, je dormais sur le sol de l'aéroport pour 24 heures. But there I saw the visions of the Lord. Mais là, j'ai vu des visions du Seigneur. And this time, en ce moment, the Lord showed me the church after she had entered. Le Seigneur m'a montré l'église après qu'elle soit entrée. After she had entered heaven, in the wedding feast of the Lamb. Après qu'elle soit entrée, le repas de noces de l'agneau. Celebrating the wedding feast of the Lamb of God. Célébrant la fête de noces de l'agneau de Dieu. Look at what I saw. Regardez ce que j'ai vu. They were together and they were worshiping the Lord like this. Ils étaient ensemble et ils adoraient le Seigneur comme ceci. In unison. À l'unisson. They had long, glorious wedding gowns. Ils avaient de longues et glorieuses robes de mariage. And the wedding gown, by the way, it flows down a little bit. There's a train. Et les robes de mariée s'élargissaient vers le bas, un peu. Il y a une traîne. Here it flows again a bit down. Ça s'élargissait comme ça vers le bas. And when they were worshiping, et quand ils étaient en train d'adorer, when I looked at the church that is raptured, quand j'ai regardé l'église qui a été enlevée, when they were tapping like this and tapping like this, their wedding gowns were glowing, radiating with glory like this. Quand ils tournaient comme ceci et tournaient comme ceci, leur robe de mariée était glorieuse, rayonnante de gloire, comme ceci. As if somebody was with a camera flash, camera flashes. Comme si quelqu'un était avec une caméra qui prenait des flashs de caméra. That means you are prepared for the wedding of the Lamb of God. Ça signifie que vous avez à vous préparer pour les noces de l'agneau de Dieu. That means he must take only a radiant church. Ça signifie qu'il va prendre seulement une église rayonnante. He will not take a church that has compromised with sin. Il ne prendra pas une église qui s'est compromise avec le péché. Unless you repent and receive the Holy Spirit. Sauf si vous vous repentez et recevez le Saint-Esprit. Precious people. Précieux peuple. All authority in heaven and on the earth. Toute autorité dans le ciel et sur la terre has been given to Christ Jesus on that day. Ont été données à Jésus-Christ en ce jour. Revelation chapter 16, verse 15. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Because it says, behold, I come like a thief. Parce qu'il dit, voici, je viens comme un voleur. Blessed is he who stays awake. Béni celui qui reste éveillé. And keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il vient comme un voleur. Secrètement. Voilà, je suis ici, envoyé par le Seigneur, pour dire, préparez-vous maintenant. J'ai vu les anneaux de noces. That is the Lamb of God. Ça, c'est l'amour de Dieu. Which means it's longing for you to enter the kingdom of God. Ce qui signifie qu'il aspire à ce que vous entrez dans le royaume de Dieu. The book of John, John chapter 5. Le livre de Jean, chapitre 5. 21 à 28. You will see what the Lord meant when the voice said. Vous allez voir ce que le Seigneur pensait quand la voix a dit. All authority in heaven and authority on the earth. Toute autorité dans les cieux et autorité sur la terre has been given to Christ Jesus. A été donnée à Christ Jésus. John chapter 5, I am reading verse 21. Jean chapitre 5, je lis le verset 21. For God the Father raises the dead and gives them life. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Moreover, the Father judges no one, but he has entrusted all judgment to the Son. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. That all may honor the Son, just as they honor the Father. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Are you beginning to see the authority God was talking about? Alors vous voyez de quelle autorité Dieu était en train de parler. And he says, et il dit, he who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le verset 24. Je vous dis la vérité. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement et ne sera pas condamné. Mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25. Je vous dis la vérité. Le temps est venu et maintenant vient. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Laissez-moi m'arrêter là pour un moment. Est-ce que vous commencez à comprendre l'énorme autorité qui est donnée à Jésus? The authority to choose whom to give life, even eternal life. Une autorité de choisir à qui donner la vie, même la vie éternelle. The authority to judge. Une autorité de juger. And he says, et il dit that a time is coming. Qu'un temps vient. Hallelujah. This is beautiful. Alléluia. C'est beau. Le verset 25. Je vous dis la vérité. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, tous ne l'entendront pas. Ça n'est pas tous qui l'entendront. Et il dit, ceux qui l'entendront, je suis sûr, vous êtes en train de vous dire ce soir, mais Seigneur, j'aimerais entendre cette voix. Sure, Je suis sûr, vous êtes en train de dire calmement au Seigneur, moi, j'aimerais entendre cette voix. Il dit, ceux qui l'entendront vivront. Écoutez ceci. The wedding ring that the Lord has now placed in the sky, they are not physical. Les anneaux de noces que le Seigneur a placés dans le ciel ne sont pas physiques. They are spiritual wedding rings. Ils sont des anneaux de noces spirituelles. Prepare for the spiritual wedding of the earth. Préparez-vous pour le mariage spirituel de l'agneau. Prepare for the spiritual wedding feast of the Lamb. Préparez-vous pour la fête spirituelle des noces de l'agneau. Prepare for the spiritual groom, the spiritual man who is Christ Jesus. Préparez-vous pour l'époux spirituel, pour l'agneau spirituel qui est Christ Jésus. That is even the church that partakes of that wedding must be a spiritual church. Ça signifie que même l'église qui participera à ce mariage doit être une église spirituelle. Listen. Écoutez. Why is it that only a few will hear? Pourquoi vous voyez seul un peu va entendre? That means, ça signifie only those ears that will be spiritually open. Seuls ces oreilles qui vont être spirituellement ouvertes will hear this. Vont entendre ceci. I want to continue with verse 26. Je vais continuer au verset 26. But before I continue there, mais avant que je continue là, hold it there. Gardez-le là. Then I am going to quickly go into 1 Thessalonians chapter 4. Et je vais aller rapidement à 1 Thessaloniciens chapitre 4. That you may understand what it is that the Lord will allow only those with spiritual ears to hear. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce sont seulement ceux qui ont des oreilles spirituelles qui vont entendre. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont entendre? Et quand ils entendront, ils vont vivre pour toujours. 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 and 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Verset 16. He says, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command. Did you hear that? With a loud command. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un signal sonore. Vous entendez cela? Avec un signal sonore. There will be a loud command. Il y aura un commandement sonore. And the voice of that command is a spiritual voice. Et la voix de ce commandement est une voix spirituelle. That command is a spiritual command. Ce commandement est un commandement spirituel. Verse 16 again. Le verset 16 encore. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel. There is going to be a voice of the archangel. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un commandement sonore à la voix d'un archange. Il va y avoir la voix d'un archange. That voice of the archangel is a spiritual voice. La voix de cet archange est une voix spirituelle. Only those whose spiritual ears have been opened by the Holy Spirit will hear. Seuls ceux qui ont des oreilles spirituelles qui ont été ouvertes par le Saint-Esprit vont entendre. And he continues to say, et il continue à dire, and with the trumpet call of God, et au son de la trompette de Dieu, there is going to be a trumpet call of God. A trumpet of God is going to be sounded. Il va y avoir un son de la trompette de Dieu la trompette de Dieu va être entendue. Cette trompette de Dieu est une trompette spirituelle. Laissez-moi partager quelques secrets avec vous, précieux peuple. Quand le Seigneur parlait avec moi à propos du retour de Christ pour la première fois, en fait, il m'a fait entendre comment la trompette va sonner. In fact, I have heard that trumpet. I know exactly how it is going to sound. En fait, j'ai entendu cette trompette. Je sais exactement comment elle va sonner. Let me share a little bit deeper now. Laissez-moi partager un peu plus profondément à propos de ceci. I even heard the voice of the archangel. N'avez-vous jamais entendu la voix de l'archange? In fact, I know every letter of every word you will use on that day. En fait, je connais chaque lettre de chaque mot qu'il va utiliser en ce jour. That voice is a spiritual voice. Cette voix est une voix spirituelle. I'm beginning to understand. Je commence à comprendre. From today on, depuis aujourd'hui, you are going to question and interrogate your Christian lifestyle. Vous allez questionner et interroger votre vie chrétienne. You are going to ask yourself. Vous allez commencer à vous demander vous-même. Before you pick that phone call and call, or you answer that phone call. Avant que vous preniez ce téléphone et que vous appeliez, or ou que vous répondiez à cet appel, you're going to ask yourself, vous allez vous demander vous-même. Does that glorify the Lord? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? The phone is ringing. Le téléphone sonne. And when it rings, before you pick the phone. Et quand ça sonne, avant que vous preniez le téléphone, from today on, depuis aujourd'hui, you're going to question yourself. Vous allez commencer à vous questionner. Is that phone call going to be in the flesh or in the spirit? Est-ce que cet appel téléphonique va être de la chair ou de l'esprit? Before you walk out of your house, avant que vous sortiez de votre maison, you're going to look at yourself in the mirror. Vous allez vous regarder dans le miroir and ask yourself, et vous demandez vous-même, today, am I dressing for men or am I dressing for the Lord? Aujourd'hui, est-ce que je me suis vêtu pour les hommes ou pour le Seigneur? Aujourd'hui, vous allez commencer à vous interroger vous-même et commencer à vous déplacer de plus en plus dans la personne spirituelle. Parce que vous l'avez juste trouvé. That if you are not walking in the spirit, que si vous n'êtes pas en train de marcher dans l'esprit, you will miss the rapture. Vous allez manquer l'enlèvement. Because you will not even hear the voice. Parce que vous n'allez même pas entendre la voix. You will not hear the trumpet. Vous n'allez pas entendre la trompette. You will not hear the commandment. Vous n'allez pas entendre le commandement. Beginning today, en commençant aujourd'hui, you will examine yourself. Vous examinez vous-même. Because you have just discovered, parce que vous l'avez juste découvert, that what will matter, que ce qui est important, is that you are a spiritual being. C'est que vous soyez un être spirituel. Il dit, et ceux qui entendront vivront. Signifiant, ce n'est pas tous qui entendront. Écoutez ceci. Une fois, les disciples étaient prêts à jeter l'éponge. They were ready to do like this and said, "We cannot take it anymore." Ils étaient prêts à le faire. Nous ne pouvons plus supporter ça. They asked Jesus. Ils ont demandé à Jésus. Why are you so hidden? Pourquoi es-tu si caché? You are hidden. Tu es caché. You think they understand you? They don't understand what you're saying. Tu penses qu'ils te comprennent? Ils ne comprennent pas ce que tu dis. They asked, why are you talking to these people in parables? Ils lui ont demandé, pourquoi est-ce que tu parles à ces gens en parabole? And yet for us, you're talking so plain, so clear. Et pour nous, tu parles si franchement, si clairement. Nous pouvons te comprendre. When Jesus answered them back, quand Jésus leur a répondu, that is the time their hearts were broken. C'est en ce moment que leurs cœurs ont été brisés. Jesus did not help them anymore. Jésus ne les a plus aidés. He did not help them anymore. Il ne les a plus aidés. He said, il a dit, the reason I speak in parables, la raison pour laquelle je parle en parabole, is because it is meant to be hidden. Parce que c'est fait pour être caché. Only to them that seek shall it be revealed. Seul pour ceux qui voient, ça sera révélé. It is meant to be hidden. En fait, être caché, and only to them that will seek shall it be revealed. Et seulement pour ceux qui cherchent, ça sera révélé. The book of John, as we were reading, le livre de Jean que vous lisez, John chapter 5, and then I need to move quickly to another conversation. Jean chapitre 5, et ensuite je vais voir rapidement une autre conversation. The book of John chapter 5, I need to finish at the authority that is bestowed on Jesus at Rapture. Le livre de Jean, chapitre 5, j'ai besoin de finir et à propos de l'autorité qui est décernée à Jésus lors de l'enlèvement. Le verset 26 de Jean, chapitre 5. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. At rapture, the Lord will take some, he will leave some. À l'enlèvement, le Seigneur va prendre quelques-uns, il va laisser quelques-uns. That is the authority. C'est l'autorité. Mais Jésus, vous le savez, il aime tous les gens. He died for all. Il est mort pour tous. But when the day of rapture arrives, mais quand le jour de l'enlèvement arrive, now he will take all the sons and leave the others. Maintenant, il va prendre quelques-uns et laisser les autres. That is the authority to judge. Ça, c'est l'autorité de juger. Le verset 28. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear the voice and come out. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. And those who have done good will live, and those who have done evil will, hallelujah, will be condemned. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal vont être condamnés. Écoutez très attentivement. I want to finish with something very important. Je désire partager avec vous quelque chose de très important. Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu chapitre 2, verset 11. The wedding rings are already in the sky. Les anneaux de noces sont déjà dans les cieux. From today on, you will never ever tell the Lord that, no, I did not even know that you were coming. Mais depuis aujourd'hui, vous n'allez plus jamais, jamais dire au Seigneur, Seigneur, on ne savait même pas que tu allais venir. When I finish, I'll wash my hands. Quand j'aurai fini, je vais laver mes mains. And move on. Et m'en aller. And you will have heard. Et vous aurez entendu. Matthew chapter 2, verse 11, he says. Matthieu chapitre 2, verset 11, il dit. He says, on coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. En entrant dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. They opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. Ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Why did they present him with gold, with incense, with frankincense and with myrrh? Pourquoi est-ce qu'ils se sont présentés avec de l'or, avec de l'encens et avec de la myrrhe? Do you remember at creation? Vous vous souvenez à la création? When God created the heavens and the earth. Quand Dieu a créé la terre et les cieux. And he created the garden of Eden. Et qu'il a créé le jardin d'Éden. And in that garden, he made sure there was a river that was flowing in. Et dans ce jardin, il s'est assuré qu'il y ait une rivière qui coulait. And it had four water heads. Qui se divisait en quatre bras. In other words, four branches. En d'autres mots, quatre bras. That river had four water heads. Cette rivière a quatre bras. But I want you to focus on one of the rivers. Mais je désire que vous vous concentriez sur une de ces rivières. It was called Pishon. Elle était appelée Pishon. And the Bible says, et la Bible dit. Pishon, that river flowed into the land of Havilah. Pishon entoure tout le pays de Havila. And he said, it flowed into the land of Havila, the land of gold. Il dit, il coule dans le pays d'Havila, le pays de l'or. And he said, and the gold in that land was good gold. Et il dit, et l'or de ce pays était du bon or. When God says good, what does God mean? Quand Dieu dit bon, qu'est-ce que Dieu pense? When God says good, he means worthy. Quand Dieu dit bon, il pense digne. When God says good, he means holy. Quand Dieu dit bon, il pense saint. That was the original goal. God created the precious original gold. Ça, c'était l'or original que Dieu a créé, le précieux or original. Precious people. Précieux peuple. Now the three wise men, they came and they met the Lord. Maintenant, les trois mages sont venus et ils ont rencontré le Seigneur. The three wise men. Les trois mages. And they removed the gift of gold. Et ils ont déplacé les présents en or. And placed before him. Et les ont placés devant lui. What was the meaning of that? Quelle est la signification de cela? Why did they worship him by placing gold before him? Pourquoi ils adoraient en plaçant de l'or devant lui? In other words, en d'autres mots, gold represents the deity of God. L'or représente la divinité de Dieu. Gold represents the presence of God. L'or représente la présence de Dieu. Gold represents the purity of God. L'or représente la pureté de Dieu. They say, ils ont dit, you are golden. Tu es en or. You are worthy. Tu es digne. You are holy. Tu es saint. They place gold before him. Ils ont placé de l'or devant lui. And the wedding rings in heaven, they are made of bronze. Et les anneaux de noces dans le ciel sont faits en or. And the wedding rings in the sky are made of gold. Et les anneaux de noces dans le ciel sont faits en or. And the wedding rings, they are made identical. Et les anneaux de noces sont très très identiques. They are mirror images of one another. Ils sont une image miroir. That means the Lord is saying, ça signifie que le Seigneur dit, Church, you must be a golden and the Lord. Église, tu dois être autant en or que le Seigneur. You must be as pure as the Messiah. Tu dois être aussi pur que le Messie. You must be as holy as the Lord. Tu dois être aussi sainte que le Seigneur. You must be as righteous as the Lord. Tu dois être aussi juste que le Seigneur. You must be mature to the same height, same age, same stature of the Lord. Tu dois être autant mature, de la même hauteur, de la même stature que le Seigneur. There is a lot of work. Il y a beaucoup de travail. That means the church must begin the work. Ça signifie que l'Église doit commencer le travail. Of preparing the bride that she may grow. Right now she's a lady, she's infant. De préparer l'épouse, elle doit croître parce que maintenant elle est un enfant. But the church must be fed. Mais l'Église doit être nourrie. She must start being fed on holiness. Elle doit commencer à être nourrie de sainteté. Holiness, righteousness, until she reaches the height of Christ. De sainteté, de justice, jusqu'à ce qu'elle atteigne la hauteur de Christ. Anything to do with sexual lust must be cut out. Tout ce qui a à faire avec la convoitise sexuelle doit être rejeté. Even the youth. Même les jeunes. Make sure you raise your boundary so high and so clear to everybody. Soyez sûr que vous élevez votre limite si haute et si claire pour chacun. If you are my daughter, the ladies in this church, les dames dans cette église, once your boundary is so high, une fois votre limite est si haute, your wall is high, votre paroi est haute, once you raise your boundary so high, une fois que vous avez élevé votre limite est tellement haute. Once you raise your standard so high, quand vous avez élevé votre standard tellement haut. Once you raise your benchmark so high, quand vous élevez votre point de référence tellement haut. All the men, they will know that that woman is saved. Tous les hommes sauront que cette femme est sauvée. They will know that that woman is born again. Ils sauront que cette femme est née de nouveau. They will know that that woman cannot be compromised. Ils vont savoir que cette femme n'a pas de commis. The same thing with my sons in this church. La même chose pour mes fils dans cette église. Once you raise your standard so high, une fois que vous avez élevé le standard tellement haut, those sexual acts, sexual sins, uncles will stop coming. Ces convoitises sexuelles, ces appels téléphoniques de péché sexuel arrêteront de venir. La Bible dit dans le livre de Jacques, le chapitre 4, verset 7, Resist the devil and he will flee. Résistez au diable et il fuira. Everybody can begin to live for Christ. Tout le monde peut commencer à vivre pour Christ. Even in your marriages, même dans vos mariages. You raise your marriage bar so high. Vous mettez la barre de votre mariage si haute. So that it is beyond reproach. De sorte qu'il soit sans reproche. You must raise your marriage bar so high. Time is over. Vous devez élever la barre de votre mariage. Le temps est passé. They worship him by placing gold. Il l'adore en plaçant de l'or. That means you are holy, you are pure, you are righteous, you are glorious. Ça signifie, tu es saint, tu es pur, tu es droit, tu es glorieux. You are worthy. Tu es digne. Even the church must be holy. Et même l'église doit être sainte. Must be righteous. Doit être être droite. Doit être pure. Doit être digne. Parce que les deux anneaux de noces sont très identiques. I have seen them. Je les ai vus. They place incense. Ils ont placé de l'encens. Sweet smelling frankincense. D'un parfum très doux. And then bitter beer, bitter beer, bitter. Et ensuite de la myrrhe amère. Sweet smelling frankincense and also bitter beer. De l'encens au doux parfum et aussi de la myrrhe amère. Bitter beer, bitter, bitter. De la myrrhe amère, amère, amère. En Israël, la myrrhe amère était dans le premier siècle. Était utilisée comme antibiotique. C'est pourquoi quand Moïse a oint Aaron, il a dit à Moïse comment préparer l'huile sacrée d'onction. Et parmi les choses à mettre, il y avait de la myrrhe liquide, extraite de la myrrhe amère. Amère, la myrrhe est amère. It is processed from the bark of a myrrh tree. C'est pris de l'écorce du grand, c'est une résine d'un arbre d'Arabie. It is bitter, bitter. Amer, amer. In other words, they say, hey. En d'autres mots, ils disent, hey. Your life of purity. Votre vie de pureté. Will bring you bitterness on the earth. Va vous apporter de l'amertume sur la terre. Your life of purity. Votre vie de pureté will bring you bitterness on the earth. Va vous apporter de l'amertume sur la terre. But that life of purity. Mais cette vie de pureté will release a sweet smelling fragrance into the throne of God. Va élever un doux parfum odorant devant le trône de Dieu. And he will atone for the sins of all men. Et tu vas expier pour les péchés de tous les hommes. He is coming like a thief. Il vient comme un voleur. When a thief comes to a house, he only steals gold. Quand le voleur vient dans la maison, toujours il vole l'or. High value. De haute valeur. Gold, gold, high value. De l'or, des hautes valeurs. Prepare the golden chest. Qui prépare l'église en or. Le Messie vient. Le message de l'anneau de noces dans le ciel est un message de purification dans l'église. C'est un message qui demande à l'église de retourner à la repentance. Repentance means turn away from sin. La repentance signifie se détourner des péchés. Repentance means la repentance signifie I was walking in this direction. Je marchais dans cette direction. And when I realized this is sin. Et quand j'ai réalisé que c'est du péché, I stopped and turned to the opposite direction. Je me suis arrêté et j'ai couru dans l'autre direction. La repentance n'est pas quelque chose que vous faites et dites, oh voilà, c'est fait. Après la repentance, vous devez polir votre vie chrétienne. J'ai entendu la voix de l'archange. I have heard the trumpet of God. J'ai entendu la trompette de Dieu. Precious people. Précieux peuple. I have seen the two wedding rings for the wedding of the Lamb of God. J'ai vu les deux anneaux de noces pour les noces de l'agneau de Dieu. Please prepare. S'il vous plaît, préparez-vous. And return to righteousness. Et retournez à la justice.